Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. La phrase clé de la leçon 31 est la suivante. Mou 82 sai desu yo. J'ai déjà 82 ans. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. La dernière fois, Anna a apprécié prendre des photos du Mont Fuji. Aujourd'hui, elle est chez la grand-mère de Sakura, à Shizuoka. La grand-mère est vigoureuse et en pleine santé. Elle vit seule et s'occupe de son potager. Écoutons la leçon 31. La phrase clé est... Mou 82 sai desu yo. J'ai déjà 82 ans. Oba-san, o genki desu ne. Mou 82 sai desu yo. Sa, o cha o dozo. Wa, kirei na midori iro. Kaori mo ii desu. Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna a dit à la grand-mère de Sakura « Oba-san, o genki desu ne ?»« Grand-mère, vous êtes en grande forme. »« Oba-san » signifie « mamie », une grand-mère, une vieille femme. Papi, un grand-père ou un vieil homme, se dit « Oji-san, o genki » et l'adjectif « genki » avec l'expression honorifique « o ». Genki signifie en bonne santé, pour les personnes âgées, vigoureux et en pleine santé. Des est une expression polie placée à la fin d'une phrase. Ne est une particule utilisée lorsqu'on est ému ou impressionné par quelque chose. Je vois beaucoup de personnes âgées en bonne santé ici au Japon. Cela m'étonne toujours. Grand-mère répond. Mou 82 sai desu yo. J'ai déjà 82 ans. Mou signifie déjà. 82. C'est 82. Sai signifie l'âge en nombre d'années. Il vient après les nombres et exprime l'âge. Des est une expression polie placée à la fin d'une phrase. Yo est une particule utilisée à la fin d'une phrase lorsque l'on donne une information supplémentaire. Pour obtenir 80, on combine 80, 80 et ni, 2. Et l'on dit 80 ni, n'est-ce pas? Oui. Pour les nombres à deux chiffres, il faut d'abord préciser la dizaine, puis l'unité. Par exemple, 25, c'est 20. 20. Plus 5. Go. Donc on dit 25. Mais lorsque l'on parle de l'âge, certains nombres se prononcent différemment de leur prononciation régulière. Âgé d'un an se dit 1歳. Âgé de 8 ans, c'est 8歳. Âgé de 10 ans se dit 10歳. Et pour âgé de 20 ans, on dit « hatachi ». Adrien-san, que dit-on pour demander son âge à quelqu'un? On dit « oikutsu desu ka ?»« Quel âge avez-vous ?» Mais il faut faire attention. Au Japon, c'est mal vu de demander l'âge d'une femme. Il semble que le thé soit maintenant prêt. « Sa, o cha o dozo. » Tenez, voici du thé. On dit « sa » lorsque l'on invite les autres à faire quelque chose. Ocha signifie thé sous une forme honorifique. Il est composé de tcha, thé, précédé du terme honorifique o. Un petit instant, on a vu plus tôt que o était attaché à l'adjectif genki. On peut aussi attacher o au substantif lorsque l'on souhaite s'exprimer poliment. Retournons au sketch. O, précédé de ocha, est une particule qui indique l'objet. Dozo signifie s'il vous plaît, tenez. Shizuoka est reconnu pour sa production de thé vert. Ce thé doit être délicieux. Anna dit Wa, kirei na midori iro. Oh, quelle belle couleur verte. Wa signifie oh. Kirei na est l'adjectif en na, kirei, beau, avec le suffixe na. Lorsque « kirei » qualifie un substantif, il devient « kireina », n'est-ce pas? Oui. « Midori-iro » signifie « une couleur verte ». Il est composé de vert « midori » et de une couleur. Iro. Lorsque l'on parle du thé au Japon, on fait habituellement référence au thé vert, ryukcha. Adrien-san, veuillez nous enseigner comment dire les diverses couleurs. Rouge, c'est aka. Bleu, ao. Et jaune, ki. Kaori mo ii desu. Il a une bonne odeur également. Kaori signifie un parfum, une bonne odeur. Mo signifie aussi, également. I signifie bonne. Des est une expression polie placée à la fin d'une phrase. On connaît maintenant la signification du sketch. Alors, écoutons de nouveau la leçon 31. Notre phrase clé aujourd'hui est... Mo 82 sai desu yo. J'ai déjà 82 ans. Oba-san, o genki desu ne. Mo 82 sai desu yo. Sa, o cha o dozo. Wa, kirei na midori iro. Kaori mo ii desu. Passons à notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Adrien-san, lorsque l'on parle du thé vert, on dit « ocha ». Nous avons appris que lorsque l'on attache « o » au mot, cela rend les expressions plus polies. Peut-on attacher « o » à n'importe quel mot pour être plus poli? Demandons à notre professeur. Lorsque l'on souhaite faire preuve de respect envers la personne qui nous écoute ou envers la personne dont on parle, on dit « o » ou « go » avant les substantifs ou adjectifs qui se rapportent à cette personne. Par exemple, « shigoto » travail devient « oshigoto ». « Genki » en bonne santé devient « ogenki » et « kazoku » famille devient « gokazoku ». Également, en général, pour rendre certaines expressions plus polies, on place « o » ou « go » devant les substantifs. Certains noms sont toujours précédés de « o » ou « go ». « Ocha » thé et « oba-san » mamie, une grand-mère, une vieille femme, dans la présente leçon, sont de ceux-là. À l'inverse, certains substantifs ne prennent jamais « o » ou « go ». Parmi eux, on retrouve les mots empruntés aux langues étrangères, comme « caméra ». Un appareil photo, des appareils photo. Vous vous demandez peut-être quand il faut employer « o » et « go ». On utilise « go » avec les noms d'origine chinoise. Pour tous les autres substantifs, on utilise « o ». Mais il est difficile de dire quels mots sont d'origine chinoise. Veuillez donc les mémoriser dès que des substantifs accompagnés de « o » ou « go » se présentent. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Passons à notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est quelqu'un qui boit quelque chose. Voici le mot qui décrit ce son. Goku goku. Goku goku exprime le son que fait une personne lorsqu'il ou elle boit quelque chose à grands traits. Lorsque quelqu'un boit rapidement quelque chose de façon énergique, on dit gabu gabu. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « goku goku » et « gabu gabu ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Le thé que grand-mère a préparé pour nous était délicieux. Je commence à apprécier le thé vert, sans sucre. La leçon 31 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était Mo 82 sai desu yo. J'ai déjà 82 ans. Lors de la prochaine leçon, nous vous dirons comment se débrouille Anna chez la grand-mère de Sakura. Soyez des nôtres pour cette prochaine leçon.